o fio digital, mas não. Tem que passar. Passar. C'est l'accordeur qui déconne. Attends, les piles sont bonnes. Bon. J'en ai une chanson. Oui. Don't come easy. Tell me this is only. Words don't come easy. Words don't come easy. I like this song. You know this? Words. En sol. More volume? Mic or guitar? Attends, son. Just a minute. I want to sing this song. Okay, for this. I start. Guitar. Okay. Sol. G. Je me rappelle plus des accords, putain, merde. I'm sorry. Don't come easy to me. Oh, can I find a way? Ma manque un. Ah ouais, ok. Mi mineur, La, Ré, Ré mineur, Mi, La, Ré, Sol. To Just a minute. Yes. Ah ouais, ok. Les accords. It's okay for the chords. G. Attends. Oh, putain, j'arrive pas à écouter. The chord. Tac. C'est ce qu'il a écrit là. C'est ça. Non. A mineur. Attends. Attends, on cherche les accords. C'est A, M. Non, je recommence alors. G. Just a minute. G. Après, c'est... Attends, mais je mets des accords. Ok. Si je me suis pas trompé, ça fait ça. Tac.